traverser la Gaspésie de la pointe jusqu'à la vallée. Au volant de mon vieux Rafio, j'ai ramassé quelques amis, embrassé toute la parenté. Mais il faut partir aussitôt. Embarquons-nous matelots, quand le rhum et la bière coulent à flot. Devons-nous garder toutes nos têtes pour naviguer dans la tempête. Embarquons-nous matelots. Aller manger avant de partir à nouveau. Un verre pour se mettre en appétit, un deuxième pour nous décoller et rembarquer sur le bateau. Embarquons-nous matelots, quand le rhum et la bière coulent à flot. Devons-nous garder toutes nos têtes pour naviguer dans la tempête. Embarquons-nous matelots. En cavale entre la ville et la Gaspésie, sauf pour chanter nos chansons. Embarquons-nous matelots, quand le rhum et la bière coulent à flot. Devons-nous garder toutes nos têtes pour naviguer dans la tempête. Embarquons-nous matelots. Embarquons-nous matelots, quand le rhum et la bière coulent à flot. Devons-nous garder toutes nos têtes.